18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet, sur le 94.2 ou peut-être sur www.fadjet.net. Si vous nous écoutez de loin, bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Alors une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs, ressortis au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Alors mes partenaires de jeu depuis un an déjà, c'est Anna et Jack. D'ailleurs on fêtera avec Anna les 3 ans de l'émission en janvier 2017. Bonjour à vous les amis, est-ce que ça va? Ça va bien, merci. Oui, nickel. Jack, ça va aussi? La forme. T'es revenu de tes pérégrinations? Eh oui, j'étais dans coup d'œil dans le métro là. T'étais dans le métro. Je suis revenu. Et nous avons aussi chaque mois eh bien, un invité. Il est déjà venu une fois dans notre émission il y a quelques temps, je crois en mars 2016, pour un événement notamment. Et là il revient nous voir, c'est Clément du Club Saint Lambert. Ça va Clément? Ça va et toi? Bah écoute, oui, on est content. Alors c'est un horaire un peu exceptionnel hein, aujourd'hui, 15h, 16h. C'est tôt hein. C'est un peu tôt. Il a fallu mettre l'oreille hyper tôt. Voilà, on a décalé d'une semaine et donc du coup cette semaine c'est à 15h. Aujourd'hui précisément. D'ailleurs on donnera le rendez-vous de la prochaine émission qui pareil sera une particularité. C'est pas les 3, en ce moment on n'est pas sur les 3 vendredis de chaque mois. Alors Anaïk, tu vas nous parler un petit peu du sommaire du jour. Alors aujourd'hui, bah vous l'aurez deviné, on va jeter plus qu'un coup d'œil donc sur notre invité Clément, donc est le club Saint-Lambert. Clément va nous parler un petit peu de l'actu du club, de l'asso et des projets à venir. On parlera bien évidemment de déco avec le retour du Formica. Oui. Voilà, on parlera mode, on parlera aussi montre avec Jack, et puis on finira enfin sur les sorties dans le coin. Voilà le programme d'aujourd'hui. Un beau programme en somme. Oui. N'est-ce pas? Et ben on va commencer tout de suite cette émission. Le coup d'envoi est donné, il est 15h02. Prenez le temps, c'est peut-être une petite pause aussi pour profiter pendant cet après-midi, parce qu'habituellement on est en fin de journée. Donc là, n'hésitez pas, prenez une pause, écoutez-nous. On va vous faire voyager. Et on va commencer tout de suite avec notre invité. Donc Clément, alors ça va se dérouler en plusieurs parties hein, un peu ton interview. On va rappeler déjà ce qu'on avait dit il y a quelques mois, mais c'est important parce que du coup il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, je trouve. Depuis ça fait 7 mois, entre le mois de mars et le mois d'octobre, novembre. Et il se passe plein de choses au Club Saint-Lambert, j'ai l'impression. Et il paraît, ouais, il se passe beaucoup de choses. Alors, t'étais venu nous parler du spectacle Rag & Boogie déjà. C'est ça, ouais. Ça s'est bien passé? Bah écoute, c'était super, on a fait un peu plus de 180 entrées à la salle des fêtes de Vendeuvre. Oui. Le pianiste était très content et les spectateurs aussi, ils ont appris comment était né le jazz. Voilà, donc c'était les origines du jazz et donc ça s'est transformé un peu en bar clandestin sous la prohibition. Et il y a eu aussi, entre autres, la soirée Unknown Jazz. C'est pas facile à prononcer votre affaire là. Et puis il y a aussi bien sûr l'événement auquel j'ai participé cet été, qui était un dimanche en 1920 en juillet, qui a été un succès. Ah ouais. Ouais, il paraît qu'il y a eu du monde. Je confirme, c'était blindé. Ouais, tu as fait plus que participer d'ailleurs, François. Oui, on va avec lui. Présenté toute la journée. Et c'était vraiment génial. En plus, on a eu un temps qui était relativement on était cool. Des dieux, ouais, c'était. Et d'ailleurs, ça se reproduira l'année prochaine. C'est une très bonne question. On ne sait pas encore. Merci de l'avoir posé. Entre temps, il y a d'autres événements. On rappelle que le Club Saint-Lambert, c'est une association qui propose de faire revivre la culture rétro en organisant des événements couvrant la période 1920-1960 sur l'agglomération nancéenne. On va rappeler aussi un petit peu l'idée. D'où est venue l'idée de cette association? Pourquoi la création? Tu l'as créée seule et depuis quand? Alors, plein de questions. Dans l'ordre. Ouais. Alors, d'où est-ce que ça vient? Bah, écoute, moi, j'ai toujours aimé organiser des événements et des soirées avec un groupe d'amis sur Nancy. Et on l'a toujours, au départ, on l'a toujours fait chez moi, dans un appartement typiquement nancéen, typiquement rétro-nancéen. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, si je puis dire, en l'été 2014, on s'est retrouvé à faire venir un pianiste américain que j'ai fait jouer dans un restaurant chez Vassili, celui qui est derrière la Peuple, le restaurant franco-géorgien. Et il y a eu une petite centaine de personnes et on a transformé le resto en café des années 20. Et donc il y avait un piano dans le resto et des musiciens. Et donc ça a été le point de départ de la création de l'asso, parce qu'à l'époque, cet événement-là était organisé entre guillemets de manière privée avec mes amis et puis le resto, et ça s'est tellement bien passé qu'on nous a dit il faut que vous créez un truc sur la durée, un peu plus. C'est ça. Et c'est vrai qu'on c'est une vraie immersion dans les différentes époques. Vous mettez tout en œuvre hein, pour que ça fonctionne. Donc en général, c'est quoi? Des concerts, il y a des soirées dansantes, il y a des expos, du cinéma muet, il y a plein de choses. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. T'as déjà fait tout exactement. Ça, en fait, voilà, il y a tout ça. Voilà, il y a de la danse, mais pas que. Il y a du bowling par exemple. Du bowling, ça on va parler du nouvel événement qui arrive le 7 décembre. Et vous êtes combien d'adhérents Donc nous les adhésions on fait pas démarrer en septembre, on fait démarrer en janvier. Donc d'accord. Une adhésion dure un an, de 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Et là actuellement on est combien là aujourd'hui? On est le 25 novembre, ouais. On est 106 adhérents le 25 novembre. Ah oui, oui. Moi j'étais resté à 80 adhérents, je sais plus c'est quand, c'était tu m'avais dit ça. Sûrement, non ouais. Ah ouais, donc ça a augmenté. Donc là encore quelques mois et puis peut-être en gagner d'autres au mois de janvier. Et est-ce qu'on a des avantages en étant adhérent à l'association, je suppose? Écoute, il y a de très nombreux avantages. Je suis d'ailleurs étonné qu'on n'ait pas plus d'adhérents que ça. Oui, il y en a énormément. Oui. Alors déjà, quand tu es adhérent au Club Saint-Lambert, tu as toutes les infos des soirées à venir en avant-première, avant le grand public. Mm-hmm. Et tu as des tarifs préférentiels sur nos événements. Par exemple, je dis une bêtise, on avait fait une soirée cinéma muet en octobre. Alors pas cette année, l'an dernier, pour Halloween, le 31 octobre, on avait passé un film, le film Nosferatu de 1922, le premier film de vampire de l'histoire du cinéma. Et il y avait un tarif à, si je me souviens bien, à 4€ pour nos adhérents, et ça devait être à 9 ou 10€ pour le grand public. C'était un cinéma muet avec un pianiste. Donc les adhérents ont toujours la primauté d'accès, priorité de réservation et tarif préférentiel. Et puis une fois par an, traditionnellement à la fin de l'année, là ça va venir le 17 décembre, on fait une soirée qui, elle, pour le coup, est la seule de l'année qui est privée, qui est réservée uniquement à nos adhérents, mais qui leur est offerte en remerciement D'accord. de l'adhésion à l'année. Oui, donc il y a plein de choses de profitables, voilà, lorsqu'on est adhérent à l'association. Exactement. On parlait justement du prochain événement, qui est le 7 décembre. Alors attention, mon anglais est parfait, hein, j'ai fait quelques années d'anglais scolaire. Exactement. Bowling in the 50s, c'est le nom de l'événement, ça se passe le 7 décembre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Eh ben écoute, oui, alors donc là pour le coup on met plutôt l'accent sur les années 50 et les origines, les tout débuts du rock'n'roll, du vrai vieux rock'n'roll, comme celui qu'on entend dans Forrest Gump ou dans Retour vers le futur d'ailleurs. Et donc ça se passera, comme tu l'as dit, le mercredi 7 décembre prochain au Bowling des Nations à Vendeuvre, qui est notre partenaire pour l'événement. Mm-hmm. Et la soirée consistera en gros, il y aura un concert avec un groupe de rock qui s'appelle les Six Elegant Bipeds. Donc il y aura six musiciens qui vont jouer du rock and roll, un bon vieux rock bien rétro, comme disait Marty McFly. Et toute la soirée dans le bowling, ils vont jouer du rock. Et puis bien sûr, tu peux venir les écouter et bien entendu jouer au bowling. Donc là, il est privatisé le bowling pour l'occasion. Privatisé. En fait, les entrées sont payantes. Ouais. Je vais y venir. Mais n'importe qui peut venir. Il suffit juste de régler à l'entrée. Le paiement à l'entrée, qui est de 10€ pour nos adhérents et de 15€ pour le grand public, inclut le concert qui dure toute la soirée, plus une partie de bowling. Oui, donc. Ouais, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Sachant que les parties suivantes sont à 3€, je crois. Et donc, y a moi, j'imagine quand même qu'il faut venir avec un dress code. Eh bien, écoute, il y a pas mal de danseurs qui nous ont contactés et qui vont venir, en l'occurrence, habillés à la grease un petit peu pour danser le rock. Il y a de la place pour danser, hein, d'ailleurs. Il y aura un spectacle visuel en même temps que musical. Et puis oui, effectivement, on encourage toujours les gens. Il y a toujours toujours un petit groupe qui vient habillé rétro et on aime bien ça. Donc c'est normal. Et puis c'est vrai que c'est aussi votre touche, votre patte. À chaque fois sur les événements, on incite et je pense que c'est bien de jouer les jeux, hein, parce que en juillet dernier, on avait notre présentateur qui avait même le logo de notre asso sur la tête. Hein, oui, c'est vrai. Certain François Barthélémy. Oui, c'est vrai qu'il y avait le logo. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que c'est génial, quoi. Enfin, moi, c'est franchement, c'est alors voilà. On prêche peut-être des convaincus. Non, mais ça te met en immersion, je trouve, dans une époque. Voilà, en l'occurrence, là, ça sera rock'n'roll un peu des années, comme tu dis, années 50, si je ne m'abuse. Mais je trouve que ça met vraiment en immersion, en fait, pour le temps d'une soirée. Je ne me vois pas aller à une soirée comme ça, habillée normalement. Enfin, tu vois, je trouve que c'est. Faut jouer le jeu, je pense. Ouais. Voilà. Faut jouer le jeu. Ouais. Bon, on en parlera un peu plus dans quelques instants, notamment de cet événement. Et qui plus est aussi un peu de l'évolution du Club Saint-Lambert, peut-être sur les prochaines années. Tu pourras peut-être nous en dire un petit peu plus si vous avez déjà des projections, des envies pour les années futures. Et bien sûr, on ne peut pas passer outre un monument du rock'n'roll. Pas besoin de le préciser, n'est-ce pas? Hellbreak Hotel, c'est Elvis Presley. Un coup d'œil dans le rétro, mes amis, les 15h, on est ensemble jusque 16h. Prenez le temps, vous êtes à l'écoute de Fat Jet. Baby, well I'm so lonely, I'll be so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so lonely, baby, I'll be so lonely. You're so lonely, they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street, they'll never look back. And think you're so, think you're so lonely, baby. Well, you're so lonely, well, you're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. So lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die. Bien évidemment, l'incontournable Elvis Presley. Les amis, j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. En tout cas, oui, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de l'émission Coup d'œil dans le rétro, Fatjet94.2. Mettez-nous des petits commentaires, des petits likes, des petits bisous, des petites dédicaces, parce que nous, on est à l'ancienne, ici, on s'en fout, on fait encore des dédicaces. On fait des dédicaces. Alors, on peut passer des vinyles, mais bon, on ne le fait pas. Mais du coup, par contre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page, ça nous fait bien plaisir. Surtout qu'on a des auditeurs un peu de partout. Jack, est-ce qu'on a encore des gens qui nous écoutent? Ah oui, alors là, je vous ai réveillé. Je vais parler un tout petit peu moins fort parce que là hop là voilà. Je ne m'entends pas, j'ai le rub. Ok, là tout petit peu. J'ai le rub. Alors dis-nous, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent de loin? Exactement. Comme à chaque fois, il y a Pierre qui nous écoute d'Angleterre. D'accord. C'est notre fidèle auditeur anglais et normand. Petite dédicace à lui. Et on a Benjamin de Troyes, on a Leslie aussi qui nous écoute, il y a pas mal de monde. Et on a Malika qui nous écoute toujours du Canada. Bah oui, j'espère bien. Il y a un Thérèse qui nous écoute. Bon, voilà. Il y a aussi un certain Ethan Oslan, américain, qui est en Caroline du Nord, qui nous écoute. Dis-lui si notre français est assez audible, s'il arrive à le comprendre. Parce qu'on parle parfois un peu trop vite. Ou fort. Alors là, je pense que là, t'as fait sauter le truc. Il a pris une pastille juste avant de parler. J'ai pris un truc là. Ah ouais, là, Johnny est arrivé dans les studios. Ça fait son effet. Allez, on poursuit, mes amis, cette émission. Chaque mois, effectivement, nous vous parlons des tendances. On le disait tout à l'heure. Et là, c'est le côté déco. Et notamment, le retour du Formica. Alors, effectivement, le Formica fait un grand retour depuis quelques temps déjà. Et Anaïk va nous en parler. Oui, alors aujourd'hui, effectivement, j'avais envie de vous parler de cette tendance formica qu'on voit un petit peu partout dans les grandes enseignes. Mm-hmm. Faut savoir voilà, que le formica date un peu, en fait. Voilà, on l'a plus connu un peu dans les cuisines des ménagères des années 60. Mais aujourd'hui, en fait, il est vraiment là. Il s'impose dans la déco, mais pas que dans la cuisine, parce qu'effectivement, on peut le retrouver dans d'autres pièces. Donc, historiquement, le formica, ça vient d'où? Vous allez me demander, n'est-ce pas? Ça vient d'où? Alors, le formica, en fait, ça vient des Américains. Eh oui, messieurs, dames. D'accord. En fait, en 1913, deux ingénieurs américains, donc qui s'appelaient Faber et O'Connor, oui, ont d'abord travaillé sur l'isolation électrique. Ils ont inventé un espèce de stratifié destiné à isoler les appareils électriques. Et en fait, le formica est né de cette invention. Après, donc, ça a été une marque déposée pour une grande entreprise américaine. Et 10 années plus tard, donc, l'entreprise a commencé un peu à lithographier des images décoratives et de la couleur sur ce stratifié. Donc c'était utilitaire au départ. Voilà, complètement. Et c'est devenu en fait un stratifié décoratif. Dans les années 30, donc les artistes et les architectes un peu du monde entier ont commencé à remarquer un peu le potentiel de création de formica. Et au niveau côté pratique, après, il y a une couche de mélamine qui a été déposée en fait pour renforcer la résistance du formica et faciliter son entretien. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais alors, il a débarqué quand le formica? Alors l'après-guerre en fait a pas mal profité au succès du formica. Il a débarqué en Europe en 1946 et en fait à l'époque il a répondu aux besoins des consommateurs qui étaient un peu de changer d'atmosphère. Évidemment après-guerre, voilà, c'était un grand changement. Donc le succès du formica est devenu mondial. Mmh. Et voilà, au niveau décoratif, au niveau du design, il était peu onéreux et résistant. Il avait certains avantages, il était facile d'entretien, assez pratique. C'était cheap, quoi. C'était complètement cheap, ouais. Ouais. Donc, il a envahi toutes les pièces de la maison, je le disais, la cuisine. On l'a retrouvé à l'époque dans les comptoirs des bars, dans les restaurants, les hôtels. Donc, à l'époque, c'était une petite révolution un peu esthétique qui a connu quand même son apogée dans les années 60. Alors, on parle du formica, bien sûr, des années 60, mais alors aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on en voit partout. Au début, il était un petit peu catalogué comme ringard, notamment un peu dans les années 80. Un petit peu, oui, c'est vrai. Mais tu remarqueras que un éternel recommencement, tout en fait. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, on est envahi de formica. Ça m'inquiète un peu. Un peu comme le rotin, le liège. Doit revenir. Ah, mais tu verras. J'en doute pas une seule seconde que la tectonique reviendra. Hein. Donc je disais, ouais, le rotin, le liège, le formica, tout revient. Le formica, moi je trouve que c'est assez tendance, on peut se le réapproprier un peu voilà, pour en meuble tendance à petit prix, selon l'endroit où on l'achète. Donc ça reste quand même des prix abordables aujourd'hui, parce qu'en général, tout ce qui est vintage revient, mais avec deux fois le coût. Alors ça peut être abordable voilà, si on va le chiner, si on va voilà, dans des endroits voilà, où le formica en fait, a déjà existé, parce que si vous allez dans les grandes enseignes où c'est du pseudo-formica, voilà, c'est quand même un peu plus cher, je pense. Ouais. Donc, je ne sais plus ce que je disais, mais le formica, on peut aussi le customiser. Le customiser. Hein, voilà. On peut mettre de la peinture acrylique, on peut mettre des stickers. Vous pouvez en trouver dans les brocantes, les vide-greniers, les puces. Hein. En boutique aussi, tels que Emmaüs, Troc de Lille, sur certains sites. Alors, ils se font un peu plaisir hein, maintenant, quand même, Emmaüs. Hein, c'est justement la cause solidaire. Je trouve ça... très intéressant, il n'y a pas de souci. C'est que seulement maintenant, les prix chez Emmaüs, c'est plus si accessible que ça. Hein. C'est Troc aussi, ça. Et Troc de Lille aussi. Ça monte aussi, mais Emmaüs aussi. Ils ont compris, justement, effectivement, qu'il y avait des meubles rétro qui étaient bien sur le devant de la scène. Et là, on se fait plaisir. Hein. Ouais. Donc, on n'est plus trop sur la dimension un peu solidaire au départ ou sociale, qui plus est. Je ne sais pas s'ils ont mis leur site internet en ligne, parce qu'ils devaient le faire, ça, Emmaüs, pendant un temps. Je ne sais pas ça, mais c'est vrai qu'il y a pas très longtemps, j'étais dans le 18e, il y a un Emmaüs, et je passe devant et je vois des meubles dehors, et donc je suis parti en courant. C'est vrai, trop cher. Non mais t'imagines, c'est des prises antiquaires. Mais sérieux, c'était dans un quartier hyper, enfin dans un coin très, très populaire 18e, et vraiment c'était effarant, je me suis dit mais qui peut s'acheter des meubles là quoi. C'est pas possible. Alors vu que bon, ça commence à être un peu bobo aussi à venir, est-ce que... jusqu'à ce que, bah, encore une fois, les gentrification des Emmaüs. Et qu'est-ce qu'il y a? La gentrification des Emmaüs, bah, c'est exactement ça. Après, voilà, vous pouvez aussi en trouver sur des sites internet. Il y a aussi Isabelle avec V comme Vintage, oui, qu'on a reçu ici. Qui elle rénove le mobilier. Qui en vend et c'est tout à fait abordable. Donc, le Bon Coin, toujours. Ouais, le Bon Coin. Il y a Bon Coin, il y a plein de sites. Ah oui. Et puis, regardez chez vos parents, chez vos grands-mères. Je pense que. C'est le mieux. Voilà. Non, mais je suis sûre que vous allez trouver, voilà, un petit meuble en formica. Sortie de Gange. Le formica, moi j'ai une cuisine chez mes parents qui m'attend dans le garage et qui est en formica, entièrement en formica, formica marron. Alors seulement il y a eu par l'humidité le problème à un moment donné du formica. Ça gondole. Hop, ça se décolle. Non, ça gondole. Ouais, ça gondole, mais le stratifié se décolle un peu, mais elle est encore, présente. Il faut des petites blagues derrière. Très très mica. Eh bien justement les amis, on fait une pause, on revoyage encore dans le temps pour une musique. Du groupe Le Bonheur des Dames. Qui c'est qui se rappelle du Bonheur des Dames? Si je vous lance la musique, tous, vous allez vous en souvenir bien sûr. Oh les filles. Tu t'en rappelles Clément ou pas? Bien sûr. Oui, c'est ça. Oui. L'année de ma naissance. C'est ta naissance. Excusez-le. Le Bonheur des Dames. Oh les filles, bien sûr. Une reprise du groupe Les Pingouins ou Les Penguins de 1962. Avec Hélène. Moi aussi. Dans un café, on s'est assis. Moi aussi. Quand je lui ai dit que je l'aime. Non, pas moi par contre, j'en ai déjà eu. Qu'elle m'aimait aussi. Allez, il est 15h20, nous on vous aime, vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro, mes amis, prenez le temps. Elle me dit que tout est fini. Oh les filles, oh les filles. Avec Monique. Au cinéma, on est allé. Et au moment le plus tragique, elle m'a prié de l'embrasser. Et comme je suis un gars pratique, je ne me suis pas fait prier. Oh les filles, oh les filles. Avec Marcel. Il est sorti avec Marcel. Je suis sorti avec Marcel. Il est sorti avec Marcel. Je suis sorti avec Marcel. Il est sorti avec Marcel. Je suis sorti avec Marcel. Il est sorti avec Marcel. Dans le métro, on s'est rencontrés. Il habite tout près de Sarcelles. Alors je l'ai accompagné. Arrivé devant son HLM, il me dit j'aime pas les PD. Oh les filles, oh les filles. Avec Karine, elle ne m'a rien demandé. Elle est si douce, elle est si fine. Et j'aime ses beaux yeux étonnés. J'aimerai toute ma vie Karine. Et rien ne pourra m'en empêcher. Les filles, le bonheur, au bonheur des dames. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Amis, allez, on est ensemble encore pour une petite demi-heure. On n'a pas terminé l'émission. On a encore pas mal de choses à vous dire, vous expliquer, vous informer, vous divertir. On est là pour vous cet après-midi. Et notre Jack, qui nous a rejoint depuis quelques mois déjà, voyage. Hein, c'est un voyageur, on peut le dire ainsi. C'est un genre du voyage. Hein. Un genre du voyage. Voilà, c'est un Jacques du voyage. Il y a les gens du jardin, voilà. Et je suis un genre du voyage. Tu es un Jacques du voyage. Et donc, il a cette chance-là. Et là, en l'occurrence, c'est un voyage qui était... connoté horlogerie, on peut le dire ainsi. Horlogerie et automobile. Horlogerie et automobile, et notamment les montres Huygens. Les montres made in Forêt-Noire, n'est-ce Exactement, pas ? Exactement, c'était le mois dernier, j'étais invité au cœur de la Forêt-Noire, à Schramberg. C'est une petite bourgade industrielle au cœur de la Forêt-Noire, à 60 km de Fribourg, pour ceux qui connaissent, dans la région du Bade-Wurtemberg, donc une très très belle région. Il y a des jolies collines, des jolies montagnes, des forêts, des Tyroliennes. Je connaissais la clinique de la Forêt-Noire. Oui, des Schwarzwald Clinic. Et ben voilà, c'est à peu près ça. Il y a des Tyroliennes. Non, il n'y a pas de Tyroliennes. Ah bon. Voilà. Et donc j'étais invité par la marque Huygens, qui est une vieille marque, donc de 1861, qui renaît un peu de ses cendres grâce à un industriel local. D'accord. On peut le dire. Voilà, c'est pas, ils n'ont pas été rachetés par les Chinois, mais par un industriel. De la région de Schramberg, donc Erstheim, qui a acheté cette vénérable marque qui a quand même... Ça a été sauvé des Chinois, alors. Ça a été sauvé. On dirait que c'est l'attaque des Chinois. Totalement, totalement. Voilà. Donc Huygens, c'est une société qui a été fondée en 1861 à Schramberg, une petite bourgade industrielle au cœur de la Forêt-Noire. On sait que l'Allemagne est très industrielle encore aujourd'hui. Imaginez, en 1860, il y avait des usines dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est une usine qui est assez énorme. Hein. Elle est là, au jour d'aujourd'hui, elle n'est plus forcément aussi importante en taille, parce que forcément, les process de fabrication sont revus, sont différents de l'époque. Mais c'est vrai que c'est une usine qui est gigantesque. On peut s'y perdre. En plus, elle a été construite par un architecte assez connu et qui en a fait une forme assez assez intéressante, à fleur de colline, en escalier, avec des terrasses. C'est assez incroyable. Tu sais qui est l'architecte ? Non. Je le sais, mais je ne l'ai pas retenu parce que je suis un mauvais élément. Parce que c'est certainement un nom allemand compliqué. Oui, non. Et puis j'ai regardé autre chose à ce moment-là parce que la visite était très longue. Et bon, j'avoue qu'il y a des moments où j'ai un petit peu lâché. J'ai honte. Donc 1866, les premières pendules de la marque furent conçues et fabriquées par les horlogers de Huygens à Schramberg. Et en 1890, le logo de la marque Huygens, toujours d'actualité aujourd'hui, l'étoile à 5 à 8 branches. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une belle étoile. De toute façon, je vais vous mettre des photos. Oui, d'accord. Mets-nous des photos. Vous allez voir. Fut déposée pour la première fois à cette époque, de nombreux brevets et procédés furent élaborés, assurant Huygens des avantages décisifs en termes de qualité de fabrication. Ce qui poussa la marque à vendre ses. Un petit peu plus tard. C'est procédé à de grandes marques. Hein. On a retrouvé du Huygens, par exemple, chez Omega, chez Rolex. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, pour vous poser un petit peu l'importance de Deutsche Qualität. Deutsche Qualität, voilà. Mmh. Hein. Savoir aussi que c'est une marque qui a été longtemps partenaire et chronomètre aux Jeux Olympiques. D'accord. Hein, voilà, il y a un musée qui existe et on peut voir tous ces dispositifs de chronométrage. Une grande famille, quoi. Exactement. Oui, non, c'est vraiment une marque qui a une histoire qui est synonyme de qualité, hein, d'excellence et de prix raisonnable. Ah, hein, voilà. Parce que c'est toujours ça. Hein. Ça parce que tu nous reviens chaque fois avec des trucs, des prix raisonnables, je vais te dire que... Alors, bon, on va en parler un petit peu après. Bon, voilà. Alors, à l'époque, hein, plus de 3000 employés produisaient plus de 3 millions de pendules par an. C'est quand même, énorme. Hein. On est dans de l'horlogerie de luxe ? Non. Non. Non, on n'est pas dans l'horlogerie de luxe. Hein. Aujourd'hui, on va de 400 euros à 4000 euros. Oui, donc... Ça reste 4000 euros, on est en dessous d'un premier prix chez Rolex. Oui. Pour un mouvement automatique quand même. Fabriqué en Europe. Voilà. Donc, effectivement, c'est un petit peu moins connu internationalement que Rolex, mais en Allemagne c'est une marque forte qui a vraiment une identité. Et c'est un petit peu la volonté de la marque, c'est de se faire connaître un petit peu à l'étranger. Donc c'est pour ça que moi j'avais été invité, parce qu'en plus le propriétaire de la marque est un collectionneur d'auto qui a un musée. Un magnifique musée que tu as visité aussi. Que j'ai visité. J'en ai fait un article sur mon blog Jack Fair Blog Auto. Pour aller voir, j'en ai fait 4 articles, je crois. Donc voilà, c'était pour ça. C'est que la marque est très connue en Allemagne, mais encore à l'international, ça pêche un petit peu. Voilà. Bon, c'est pour ça. Donc en fait, ce qui a démarré en 61 à Schramberg avec la fondation de l'entreprise, c'est rapidement devenu comme une des success stories la plus fascinante de l'horlogerie allemande, hein, puisque vraiment c'est une des marques les plus connues. Hein. Il y a Jukens aussi, Jukens qui est assez connu. Il y a quelques marques comme ça allemandes qu'on voit quand on va se balader un petit peu du côté de Saarbrücken dans les bijouteries. On voit des noms qui nous connaissent pas, comme Élysée par exemple. Ça c'est une marque allemande, ouais, voilà. Et donc c'est assez sympa de se pencher un petit peu sur ce genre d'histoire. L'engagement en faveur d'une production basée en Allemagne est visible et se ressent dans chacune des montres portant le nom Jukens. C'est important pour eux de bien préciser que tout est fabriqué là-bas. Hein, donc ils vendent un peu partout. Ils vendent en Corée, à Hong Kong. Hein, il y a un Jukens Hong Kong. Voilà, c'est expédié. Tout est fabriqué vraiment là-bas. Il y a des procédés qui sont vraiment particuliers à la marque. Ils vendent par exemple des mouvements automatiques donc, qui sont réputés et qui sont extrêmement plats. Donc c'est des montres qui sont très discrètes finalement. On n'a pas des gros placards de 14 cm de haut comme certaines qu'on montres surtout footballeurs. Voilà, surtout sur de la montre, de la grosse exactement. Montre aujourd'hui. Mais ça reste très classe, voilà. Fine et distinguée. Et en fait, l'actualité en fait de la marque, c'était de sortir une série de montres tirées des voitures Maybach. Maybach c'était encore une marque qui associe luxe et prestige en Allemagne. Un Mercedes a racheté le nom et sort de nouveau des Maybach qui sont tirés de la série, mais en y mettant toute une série d'options luxueuses et compagnie. Donc, c'est une marque, Maybach. C'est une marque, d'accord. Voilà. Et dans les années 30, c'était vraiment un synonyme de luxe à l'allemande. C'était le concurrent de Rolls. Voilà, ni plus ni moins. D'accord. Voilà. Et le propriétaire donc, de la marque a plusieurs Maybach. Hein. Je suis monté dans une Maybach. Je peux dire que je suis monté dans une Maybach. Donc il a décidé de créer une série autour de ces voitures. Donc ça reprend les codes couleurs. Donc des couleurs crème, ainsi de suite. Et cette montre qui s'appelle la Meister est donc le fer de lance de la marque pour cette saison. D'accord. Donc en fait voilà, c'était ça. Le truc c'est de faire revivre, de faire renaître une marque qui est quand même qui est vieille, hein, 1861. Oui, pour le coup, oui. Par exemple Hermès c'est 1867. Oui, donc on même parle de voilà. Et qui décide donc de nager, enfin de reprendre toute son histoire et ses qualités techniques pour faire des gammes qui se veulent modernes et surtout abordables. C'est plus vieux que Breitling. Ah ouais. Ouais, c'est plus vieux que Breitling, voilà. 1884. Et donc sur un modèle, la Meister, donc Maybach, là, il y a un modèle à 1 500 €. 1 500 €, c'est pas donné, mais vous avez, c'est de l'horlogerie de qualité, c'est fait à la main. C'est en série limitée, toutes les séries Pas forcément. C'est pas de la grosse production. Non, c'est pas de la très grosse production. Ouais. Mais voilà, disons que si vous voulez une montre jolie, de qualité et qui est faite en Europe, c'est une alternative à toutes les autres. Souvent, les hommes, enfin, moi j'ai l'impression là, les hommes qui aiment bien les belles montres aiment bien aussi ne pas la retrouver forcément un peu partout sur les autres. Enfin, tu vois, t'aimes bien aussi avoir un peu des fois un produit de qualité d'authentique. Ouais, c'est plus compliqué que ça pour l'horlogerie un petit peu de qualité, mais effectivement, ça permet d'avoir autre chose. Moi, je vais en avoir une en prêt là pendant quelques mois. Et on vous mettra une photo un petit peu, mais oui, je vais vous mettre des photos que j'ai fait un petit peu de ça. Et c'est vrai que l'histoire est vraiment intéressante. Qu'ils en font ils en font pas en Formica, effectivement. En parlant de ça, Clément, toi qui prends la parole, là, du coup, est-ce que tu es un passionné aussi de montres, je crois savoir, les montres à gousset, certainement? Mais il se trouve que j'en ai quelqu'un de ma famille m'a offert une montre à gousset il y a quelques années, ouais. Et puis bon, bah, il se trouve que par la force des choses, je me retrouve à la portée aux événements du Club Saint-Lambert, forcément. Mais donc t'aimes bien les. Ouais, c'est quand même l'accessoire masculin un peu par. Parce que c'est souvent. C'est notre bijou à nous. Voilà, c'est notre bijou à nous. Même en règle générale, on aime les bijoux, mais c'est. Mais je trouve que les montres, même aujourd'hui, même pour les femmes, c'est devenu un bijou. Enfin, vraiment quelque chose que tu peux accessoiriser avec plein de tenues. Et du coup, on en a souvent plusieurs, quoi. J'en ai quelques-unes. Effectivement, c'est pour ça que moi, j'étais assez content de faire ce voyage parce que j'allais visiter la collection Stein, qui est une collection d'automobiles qui est incroyable. Ouais. On en reparlera certainement dans notre émission. Et cette marque-là que j'avais déjà vue en Allemagne, mais voilà, c'était assez intéressant de voir un petit peu ce passé qui se projette grâce à un industriel qui a cru en la marque, qui a voulu défendre une marque forte de sa région et qui en a fait quelque chose qui est en train de prendre un petit peu une dimension internationale. Voilà. Et ils seront partenaires de Rétropassion Automobile et de moi. D'accord. À Rétromobile. Rétromobile. Du 2 au 5 février. Vous pouvez déjà le noter. Je vous invite à venir me rendre visite sur le stand Rétropassion Automobile. Clément, tu voulais dire quelque chose? Oui, je revenais à l'histoire des bijoux pour enfin du côté des hommes, que c'était un peu le bijou des hommes. C'est vrai que depuis les années 50-60 et la disparition de tout ce qui est barrette de cravate et chemise à boutons de manchette, c'est vrai que c'est un petit peu resté l'irréductible bijou pour homme. On a perdu toute élégance aujourd'hui, mais voilà, c'est vrai que le bouton de manchette, nous n'avons plus que t-shirt, jean et basket. Voilà, voilà. Oh non, non, non, non, non. Il y en a qui ont piercing, cou. Alors peut-être un autre. Peut-être que dans 100 ans, les gens mettront des accessoires vintage, des piercings. Bah ouais, on parlera du piercing vintage. Des clous et danseront la tectonique comme nous, on danse le rock. Exactement. J'en suis certain. Et bien justement, alors Jack, encore un voyage hein, parmi tant d'autres. Le mois prochain, tu auras l'occasion de nous parler d'un autre voyage. Là, il y a un laps de temps assez court. Est-ce que tu auras le temps encore de voyager ou pas? Non, j'ai pas un gros voyage de prévu, d'accord, mais j'ai fait quelques petits trucs récemment dont je pourrais vous parler un petit peu plus précisément. Bien sûr, à noter aussi que toutes ces informations, donc c'est aussi à retrouver, n'hésitez pas à suivre Jack sur jackfaitunblogauto.fr, si je ne m'abuse. .com, pardon, tu vois, j'avais le choix entre les .fr. .fr. Ouais, je ne sais mais plus, moi, des fois, c'est plus. Trop, je sais plus. Et aussi sur le blog, coup d'œil dans le rétro. Oui, c'est voilà, vrai. On relaiera tout ça. Ça nous fait bien plaisir. Allez, on va juste. Justement, c'est une proposition musicale de Jack. Et pourquoi cette proposition musicale-là ? Parce qu'on fête les 25 ans de la mort de Freddie Mercury, l'autre king du rock'n'roll. Et c'est celui-ci. Bien sûr, c'est Queen Radio Gaga, les amis. Il est 15h35. Dis quoi ? Qu'est-ce que je raconte ? On est en direct. 15h35. On est ensemble jusque 16h. Ah, on est bien. Ans déjà. All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga. Dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Ah. nous sommes parfaitement un peu plus qu'à la moitié de l'émission, mes amis. Alors, je vous rappelle encore une fois, effectivement, si vous voulez nous suivre, vous avez la possibilité. Il y a aussi un Instagram qui n'est pas encore très fourni, hein, mais on va s'activer pour aussi mettre des photos dessus. On a un blog maintenant. On a des blogs relais avec notre blogueur Jack aussi. Donc, on si a le Minitel aussi, 3615, tout dans le rétro. On a tout, on fait des signaux de fumée, on fait tout, quoi. Et donc, voilà, ça nous fait bien plaisir. Ça fait 3 ans déjà. Bientôt, on fêtera nos 3 ans en janvier. On espère continuer. Et aussi, petite annonce, nous recevons donc des invités comme Clément ce mois-ci. Eh bien, nous en recherchons régulièrement tout au long de la saison des invités. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook Coup d'œil dans le rétro. Et puis, bon, bien sûr, ça a toujours attrait au vintage, au rétro. C'est un peu la thématique de l'émission. Si vous faites du tuning, allez voir plutôt Plein Phare et Jack. Oui, encore. Pardonnez-moi que je ne vienne pas. Mais voilà, nous, c'est lié au rétro. Donc, n'hésitez pas. Et on essaiera de vous inviter. C'est une fois par mois. Et on cale un petit peu nos invités sur toute la saison. Alors, on peut poursuivre maintenant cette émission avec le côté mode maintenant du programme. C'est Anaïque ou c'est moi qui le fais? On ne sait pas. Comme c'est le velours, veux. C'est le retour on du peut velours. Faire les deux. Ne vous battez on pas. On va le faire en binôme hein, parce qu'on est comme ça les ici. Les velours. Le velours qui pouvait être un petit peu kitschoun, un peu ringardoun il y a quelque temps, dans les années 90, revient fort cet hiver. On le pensait disparu. Mais il est de retour. Il se réinvente en slim, à paillettes, sur des choses en robe patineuse, en smoking ou encore en mini-jupe, c'est ça? Oui, on en voit partout. Si on faisait un peu d'histoire du velours. Alors, le velours, il a été inventé dans le Cachemire. Le Cachemire, c'est une région en Asie. Et oui, ce n'est pas juste un pull. Voilà, ah ouais, Cachemire, ouais, d'accord. Alors, le velours, en fait, c'est la partie rasée d'une fourrure ou d'un tissu dans lequel les fils sont répartis un peu de façon uniforme. Et ce qui lui donne un aspect un petit caractère un petit peu particulier. Il est fabriqué sur une machine à tisser à deux systèmes de chaînes dont l'une constitue la structure et la seconde couche apporte donc l'aspect un peu velouté. Il faut savoir qu'il existe deux sortes de velours. Le velours coupé, donc ou velours en chaîne, ou le velours trame un peu dicotelé. Voilà, c'est un peu plus classique, on va dire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Oh bah bien sûr, les grosses cotes, les gros traits. Exactement. Donc le velours, en fait, il date aussi un peu parce qu'il était très répandu au XIVe siècle. C'était à l'époque une matière très luxueuse. C'était réservé un petit peu à l'aristocratie. 1, 2, 3, 4. En France, en fait, c'est seulement au XIXe siècle qui s'est un petit peu démocratisé à toutes les classes sociales et notamment avec le pantalon largeau. Alors je sais pas si vous voyez pantalon ce que c'est. Largeau. Le pantalon largeau, c'était un pantalon qui était porté par les ouvriers un peu pas bouffant, mais en fait il y avait plein de poches et en fait les ouvriers mettaient leurs marteaux, tous leurs outils. Vous voyez ce que c'était au 19e siècle. Ouais, en France en fait, ça a commencé par les ouvriers, c'est eux qui les ont portés les premiers, parce qu'avant c'était réputé pour l'aristocratie, puis après ça a changé un petit peu de classe sociale à l'époque. Et après, pour être tendance dans les années 70, ce fut une matière iconique des 70s, réchauffant, d'où il avait un fort potentiel. Le velours, il était chic, il était rétro, il était cool. Et il apportait une touche de style, surtout à n'importe quel look. Surtout sur les chemises col en V avec les torses velus des chanteurs de disco. C'est vrai. Donc là, c'était plus du velours, pas de def, un petit peu. Ouais. Et dans les années 90, alors là, il accompagne la période grunge sur des robes ou des chemises à portée ouverte ou fermée. Et on le trouve plutôt dans des tons noirs ou rouges. Hein. C'était pas varié au niveau des couleurs. Non, mais on peut remarquer quand même que les périodes grunge, étaient quand même, parce que la dernière fois on avait parlé aussi d'un truc de mode, je sais plus lequel, où c'était aussi le Bombers. De ça. Et en fait les grunge, en fait ils reprenaient à chaque fois des articles de mode un peu est-ce que cet hiver il faut un Bombers, un velours et des docks? Ah ouais, la doc revient. Alors tout mélanger, je suis pas sûre, mais si. Ouais. Non, mais en plus la doc revient hein, ouais. Et ben, justement, nos conseils pour porter le velours si on préfère sa version lisse à la côtelée. Donc, alors la côtelée, donc justement, c'est un peu plus classique, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On mise en fait, je pense, sur des couleurs un petit peu de saison, telles que le bordeaux, le vert bouteille, le bleu marine, et surtout le noir aussi, qui passe assez bien. Donc le pantalon en velours, je dirais, conviendrait plus aux morphologies un peu plus élancées. La jupe, elle, de préférence, mesdames, choisissez la patineuse. Ça ira bien aux femmes un petit peu qui ont des hanches un peu élargies. Et enfin, la veste donne un look assez classe, que ça soit pour les hommes ou pour les femmes. Vous pouvez la porter avec une chemise blanche. Et dernier conseil, évitez le total look, je pense. Ouais, bon, ouais. Mais la veste, j'y pense. Tout en velours, comment dire. La veste, c'est le look, comment dirais-je, le look prof. Oui, avec la pipe, la sacoche en cuir. Mais tu sais que j'ai des vestes en velours assez cintrées, pas dégueu, genre. Je trouve que ça fait très classe, quoi. Je suis un peu fier comme avec Peter Hervé, mes vestes cintrées. Non, je pense que là, le velours, je vais y aller de ce pas. M'en racheter. Mais tu vas dans les boutiques, là, actuellement, il y en a plein partout. Il y a même des chaussures en velours. Depuis le printemps, c'est revenu. Automne, hiver, là, il y en a plein. Un Clément avec un velours kaki en pantalon, ce serait pas mal, non? Même les marques italiennes, les Italiens sont quand même un peu à la pointe. Oui, exact. Excusez-moi de le rappeler, mais il y a des marques italiennes qui ont sorti des velours, donc plutôt fit. Et c'est très très élégant, avec une belle paire de souliers. Voilà. Bien sûr. Voilà. Toi qui, en plus, tu publies pas mal de choses au niveau des chaussures aussi. En fait, je travaille avec une marque de vêtements qui s'appelle Vinman, qui se trouve à Paris dans le 8e. Et justement, il y a une marque Pescarolo qui est distribuée chez Vinman et qui fait des très beaux velours, justement, de qualité. Parce qu'il y a velours et velours. Oui. Et c'est vraiment très chic, quoi. Bon, voilà, c'était notre conseil mode du jour. C'est le retour du velours, mes amis. Il nous reste un petit quart d'heure d'émission que l'on va consacrer donc à Clément, et notamment son prochain événement, qui, je le rappelle, Clément, s'appelle Bowling in the 50s. Eh bien, on va écouter justement un petit morceau rockabilly revisité. C'est surtout le groupe qui est rockabilly, parce que là, le titre, c'est... Vous allez reconnaître, ça va démarrer. C'est une jeune dame... Qui a fait des petites bêtises, quelques petites bêtises dans les années début 2000. Début 2000. Elle a pété un peu les câbles. Oui. C'est Britney Spears, et là c'est revisité par The Baseballs, et c'est un titre qui s'appelle Baby One More Time. Tout le monde le connaît. Ah oui. Britney Spears en 1998 quand même. Eh oui. Elle était fort sympathique à l'époque. Elle était toute jeune. Oh, quoique maintenant, on ne sait pas. Allez, écoutez-moi ça, et on se retrouve juste après pour une dernière petite quinzaine de minutes ensemble. Come on, give me a smile. You know what, honey? We don't feel like smiling. Take a look around. Isn't that Forrest's little smile? Oh, baby, baby, I wasn't supposed to know that something wasn't right. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. But now you're out of sight, yeah. Show me how you wanted to be. Tell me, baby, cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Hit, hit, oh, I'm ready. Baby, baby, the reason I breathe is you. Girl, you got me blinded. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way you planned it. Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know now. Because the loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. When I'm with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, I wasn't supposed to know. Pretty baby, I shouldn't have let you go. I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe that you will be here and give me sign. Hit me, baby, one more time. Yeah. I lose my mind, give me a sign. Hit my baby one more time. Hit, hit, from the head. Et bien sûr, c'était Baby One More Time de Britney Spears, revisité par The Baseballs. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Ah, regardez comme on voyage en Californie. La plage. C'est l'heure du goûter. Britney Houston. C'est ça. Donc là, c'est le moment de retrouver, de voyager avec Clément qui va nous faire voyager ces prochains mois sur différentes terres, notamment celle du rockabilly, celle du jazz. Et on veut en savoir plus sur ces prochains événements. On le rappelle un peu, donc l'événement le plus proche, c'est le 7 décembre. Tout à fait. C'est la même. Donc là, c'est au bowling, le bowling de Vendeuvre, qui va être maquillé, grimé des années 50, 50s. Et donc là, c'est le 7 décembre. Est-ce que tu nous avais précisé s'il y avait des réservations possibles ? Non, parce que tout simplement parce que le bowling des Nations est largement assez grand pour accueillir l'ensemble de nos adhérents. D'accord. Et toute personne intéressée éventuellement extérieure à l'assaut. Donc tout le monde est le bienvenu. Il y a pas. Ça commence à quelle heure en fait ? On donne rendez-vous aux gens à 20h. D'accord. Le groupe de rock commence à jouer vers 20h15, 20h30. Voilà, donc c'est ouais, dans les eaux-là. Donc ça, c'est un peu nouveau pour le club Saint-Lambert, non ? Oui, c'est vrai d'événements. On n'a pas trop fait, jusqu'à présent, depuis nos 2 ans d'existence, on n'a pas trop fait les années 50. On a plutôt fait la première moitié de notre période, c'est-à-dire 20, 30, 30, 40, mais on n'a pas trop fait 50. Il y a un peu plus d'un an, au restaurant chez Vassili, à nouveau, on avait fait intervenir une chanteuse de blues qui avait chanté un petit peu des tubes des années 50. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on met en tout cas l'accent sur... le rock'n'roll, ouais. Côté rock'n'roll, bowling, grease. Super idée, en tout cas. Parce que l'ensemble des membres, en fait, en général, comment ça se passe ? Vous êtes donc des membres permanents, entre guillemets, l'association. Vous, je ne sais même plus si on appelle ça des membres permanents. Alors, mais... En fait, le principe, c'est qu'on joue sur le côté club, c'est-à-dire que on est une équipe chevronnée de 12 personnes qui travaillent sans relâche toute l'année pour trouver les idées, les lieux, etc. et proposer les événements. Mais les adhérents du club, donc la centaine d'adhérents qu'on a, sont des adhérents, des membres du club en fait. On leur propose un service, oui. Mais les gens ne participent pas au travail. À l'organisation. Voilà, c'est ça. Mais vous, dans l'organisation. On a un staff, quoi. Vous, dans l'organisation, à quel moment c'est toi qui propose l'événement ou c'est collégial Ça dépend. Il y a des idées qui viennent de moi, d'autres personnes. Pour être honnête, par exemple, moi, je suis plutôt. Bon, mon kiff, c'est les années 20-30. Oui, bah oui. Mais bon, j'aime bien le rock'n'roll aussi, mais c'est pas mon idée, par exemple. D'accord. Pour Bowling de 50, c'était pas mon idée de faire plus du musette, je crois. Voilà, c'est ça. Non, mais du coup, c'est bien. Musette et tous les flanflans. C'est bien de varier aussi un peu, de pas être. Exactement. Là. Vous couvrez quand même une époque assez large et diversifié au niveau de la musique, hein, ouais, surtout. Et donc, c'est bien d'avoir plusieurs choses et ne pas rester que sur une décennie, par exemple. C'est bien d'aller voir aussi du côté des années 50. Donc ça, on vous le conseille, c'est le 7 décembre. Vous venez tout simplement librement au bowling de... C'est le bowling de Vendeuvre. Bowling des Nations. Des Nations, ouais. Voilà, pardon. C'est ça. Et ça sera Bowling in the 50s. Mais il y a un gros événement. Exactement. Aussi qui approche. C'est notamment en 2017, donc la grosse organisation. C'est le 26 février 2017. Donc tu vas nous en dire un petit peu plus. Là, c'est pour les 100 ans du jazz, n'est-ce pas ? Exactement, les 100 ans du premier enregistrement de jazz. Donc le premier enregistrement de jazz de l'histoire a eu lieu le 26 février 1917. Et donc le 26 février 2017 prochain tombera 100 ans pile, jour pour jour, Voilà, et donc on a la chance, ça tombe un dimanche, le 26 février 2017 est un dimanche, et donc on va organiser, le Club Saint-Lambert va organiser un concert, Salle Poirel, en partenariat avec donc, la Salle Poirel, un concert qui dure environ une heure et demie et qui va revenir sur toute l'histoire du jazz, toute l'évolution du jazz, c'est-à-dire qu'on va vous proposer des morceaux de 1917, puis du Charleston des années 20, du swing des années 30-40, ensuite du bebop, jusqu'à nos jours. Quoi. Donc c'est une frise chronologique en musique qui va apprendre aux gens comment ça a évolué. Quoi. D'accord, donc une grosse soirée bien complète, donc là ça nécessite une organisation de malade mentale. Ah oui, là c'est autre chose. Hein. Oui, c'est autre chose. Donc vous êtes déjà dans l'orgale. Ah oui, on est déjà plein pot là-dedans. On est en train de travailler avec les gens de Poirel, qui sont des gens super sympas d'ailleurs. La mairie nous aide beaucoup. Ouais, on est déjà en train de travailler. Ouais. Donc là, c'est prochain rendez-vous 2017, tout début d'année. Alors le prochain événement de l'assaut. Bon, on a le prochain événement après le bowling. Oui, bien sûr. Mais le prochain rendez-vous de l'assaut en 2017, le premier rendez-vous de l'assaut, ce sera notre assemblée générale qui aura lieu également un dimanche. Le dimanche 15 janvier, et là ce sera dans le grand caveau de l'Excelsior. Parce que on va faire un partenariat avec l'Excelsior pour 2017. C'est très fort. Hein. L'Excelsior, Poirel, vous êtes quand même. C'est classieux. Hein, vous êtes quand même à un niveau qui est assez relevé. En peu de temps. Deux ans d'association. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est parce qu'on a un réseau de gens bien à Nancy qui nous aident, qui nous invitent dans leurs émissions de radio, etc. Bah voilà. Oui, bon. Oui, tu penseras à notre chèque. mais vous avez les lieux quand même les plus prestigieux de la vie nancéenne. La salle Poirel, c'est comme une salle où tout le monde vient jouer, hein, que ce soit chanteur, comique. Mais justement, ça sera accessible quand même aussi au niveau tarification. Alors, justement, nous, notre but, hein, c'est quand même de diffuser la culture de l'époque. Bon, là, pour le coup, le 26 février, ce sera vraiment une culture de type musical. Hein, ce sera vraiment diffuser la musique de l'époque. En tout cas, d'expliquer aux gens comment elle a évolué. Donc, si on veut diffuser ça le mieux possible et au plus grand nombre possible, que ce soit aux étudiants, ou aux gens aux revenus plus modestes comme aux autres types de grand public, bien sûr qu'on tire le plus possible les tarifs vers le bas. Alors bien entendu on doit payer nos musiciens, il y a des artistes, il y a du monde, voilà, mais voilà, ce sera moins de 20 euros. On essaye de faire aux alentours de 15-20 euros, puis on fait toujours des réductions pour les étudiants bien sûr et puis nos adhérents comme d'hab, mais voilà. Donc un bel événement à venir au mois de février, donc aussi après l'assemblée du mois de janvier. Donc si on veut en savoir un petit peu plus sur tout ça, sur tous ces événements, il y a un site internet du Club Saint-Lambert. Tout à fait, monsieur. Bon, un écoutez. Site internet bien pas rétro du tout d'ailleurs. Oui. Bien actuel. Il est en refonte un petit peu en ce moment. J'ai vu deux trois trucs. Mais non, je t'invite à te connecter sur le site. Il est tout bien tout beau. Ah, il est tout bien tout beau. C'est www.clubsaintlambert en toutes lettres. .fr, tout attaché. Puis sinon, on a bien sûr notre page Facebook, Club Saint-Lambert. Et si on veut adhérer à l'association, on tape à la porte de chez toi. C'est ça, voilà, exactement. Ou alors, il suffit de le demander à n'importe quel événement. Sachant que nous, on a aussi on a une façon de faire qui est de, à chaque fois qu'il y a des gens nouveaux qu'on ne connaît pas, qui viennent à nos événements, on leur propose d'adhérer en direct s'ils veulent. Oui. Et du coup, ils ont direct le tarif adhérent pour la soirée. Voilà. Donc, un beau club en tout cas, et nous qui nous tient à cœur. C'est pour ça que tu viens si souvent dans l'émission aussi, parce que voilà, ça fait bouger un petit peu Nancy. Il y a de l'historique derrière tout ça. On apprend des choses, on se divertit. Et donc, c'est nécessaire en ces temps parfois, toujours facile. C'est important de se divertir. Alors, il y a d'autres événements, Anaïk, notamment ce dimanche 4 décembre à Nancy. Le 4 décembre, alors le 4 décembre. Oui, c'est la friperie éphémère qui revient pour une troisième édition qui est organisée par le salon de Justine, notamment par Stilibic, qu'on reçoit d'ailleurs ici dans l'émission jeudi prochain. Les Stilibic, c'est des personnales chineuses, mes yeux, qui recherchent pour vous et que vous ne trouvez pas. Donc c'est un véritable showroom à mi-chemin entre le vide dressing classique et la friperie, pardon, plus pointue. Donc ça, c'est le. Je suis peut-être un petit peu tardé, c'est le dimanche 4 décembre, mais il y a d'autres choses avant, bien sûr. Oui, donc demain à Nancy, vous avez la brocante de Noël des Jolis Mômes. Qui est organisée par le salon de beauté Les Jolis Mômes, donc qui porte le même nom, rue Anatole France, de 10h à 17h. Au programme, donc, la pagaille de Lulu, qui est une chineuse du dimanche, qui vous présentera ses trouvailles, ses créations, mais il y aura aussi d'autres créateurs comme Ma Bonne Étoile, Chou, et aussi Aurélie, qui est une ancienne chineuse un petit peu addict et brocanteuse, donc qui vous présentera des petits mobiliers et objets vintage. Vous aurez aussi le vendredi 2 décembre le Rock Téléthon organisé par le groupe Rock Vintage, anciennement le groupe Les Prétoriens. Qu'on a reçu, donc qui est le club Rock de Malzéville à la salle des fêtes de Michel Diné à Malzéville. Danse libre de 19h30 à 21h30. Donc, et tous les fonds récoltés iront intégralement donc au Téléthon. Donc c'est une bonne action aussi. Bonne action. Ouais. Donc nous avons aussi, bien sûr, pour ceux qui sont sur Paris, il y a le Noël Vintage aussi à la Halle des Blancs Manteaux, qui est de mode, créateur, idées, cadeaux et vinyle. Et notamment, bien sûr, l'événement du club Saint-Lambert, bowling. Le 7 décembre, bowling in the 50s. Tu voulais dire aussi quelque chose, toi, Jack? Oui, le 3 décembre à l'église Saint-Mansuel de Libération, le conseil citoyen des 4B organise son Noël Saint-Nicolas. Et Saint-Noël, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Sur la page de l'émission, vous venez, hop, ouais. Des petits goûters, un concert d'orgue, de la chanson, du goûter, de la brioche, du chocolat chaud, du glamour, du vintage. Du glamour. N'hésitez pas à venir. Un bon moment, voilà, en perspective. On demandera juste une petite participation pour le chauffage. D'accord. Bon, d'accord. C'est plutôt sympa. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup d'événements. On va les relayer aussi sur notre blog. N'hésitez pas. Vous allez retrouver toutes les choses assez importantes sur ce blog-là. Coup d'œil dans le rétro, le blog. Coup d'œil dans le rétro. Faire un petit tour. N'hésitez pas à partager. Le blog, voilà, à partager. Nous. En ce qui nous concerne, on se retrouve. On se retrouve le 9 décembre, mes amis. Le 9 décembre, voilà, parce que ça sera. Normalement, c'était le 3e vendredi, mais on ne peut pas le 16. Ouais. Donc, on se retrouve le 9 décembre, ici, dans les locaux de Fadjet. On aura. A priori, une invitée qui s'appelle Christelle Youplaboum, qui fait des pin-up vintage. Ah, je crois que c'était la reine du pain d'épices. Voilà. Elle va vendre ses créations cet été à la place. Voilà, donc il vient nous rejoindre. Donc n'hésitez pas, encore une fois, on a aussi Lulu Nancy qui devrait venir aussi sur une prochaine émission. Donc voilà. Allez, venez booker vos dates en tant qu'invité. Il nous en reste quelques-unes encore jusqu'à la fin de la saison. Et tout ça, bien sûr, sur la page Facebook de notre émission. Allez, à bientôt, les amis. On vous embrasse bien fort, mon week-end. Allez, bisous. Oui. Salut. Bonne journée à tous. Les programmes continuent sur Fadjet. On va aller boire un petit chocolat chaud. Oui. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Pourquoi petit ?